Les Odyssées de France Inter avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. Lorsqu'il ne se trouve pas au pied d'un volcan à l'autre bout du monde, Maurice et Katia Kraft habitent le nord-est de la France, en Alsace, dans le charmant petit village de Soultz. C'est un matin de janvier 1973. Les Kraft sont dans leur cuisine. Dehors, les sapins sont recouverts de neige. Il est exactement 8h30. Youpi ! C'est l'heure du petit déjeuner ! Katia adore le petit déjeuner. Même lorsqu'elle se réveille sur les pentes des volcans les plus dangereux de la planète, elle ne loupe jamais ce moment sacré. Oh, ma foi, elle a diablement raison. Rien ne vaut une délicieuse tartine de beurre salé. Olé ! Oh, ça va pas bien moi en ce moment. Poisson, passons. Ce matin-là, tandis que le pain croustille dans les bouches, les rêves de la nuit ne se sont pas encore éloignés. Tu les vois? Regarde! Ils flottent au-dessus de leur tête. Brusquement, Katia se retourne. La voix qui s'échappe de la radio a attiré son attention. L'annonce d'une naissance, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit d'un volcan. Le petit s'appelle Delfel, et on peut dire qu'il est vigoureux. Il menace d'engloutir toute une ville. En Islande, sur l'île d'Emaï, 5000 habitants sont en danger, sans compter les poneys, les moutons et bien sûr les macareux, qui, comme vous le savez sans doute, sont des petits oiseaux extrêmement mignons. Maurice et Katia bondissent de leur chaise. Vite, ça urge, ça presse à orange. Un volcan en train de naître, diable, ça n'attend pas. Une demi-heure plus tard, sans même s'être lavé les dents, oh, pouac, ils sont partis. Nous voici arrivés en Islande, terre de glace et de lave, perdue dans les brumes du nord-ouest de l'Europe, et qui, d'après une vieille légende du Moyen-Âge, cacherait l'une des portes de l'enfer. Oh oh, dis donc, ça promet. À bord d'un bateau de pêcheurs, Maurice et Katia fondent la mer, le vent leur fouette le visage. Maurice, tu te rends compte? Lance Katia, en manquant de passer par-dessus bord. L'île de Emma, il n'a pas connu une seule éruption depuis plus de 5000 ans. Et du jour au lendemain, la Terre se déchaîne pour donner naissance à un nouveau volcan. C'est complètement fou! Allez, c'est parti! Youhou! Mais où est-elle, cette fameuse île? Pas de panique, Katia. Elle ne devrait plus être très loin. Oh, ça y est, elle est là! Au milieu d'un halo de lumière rouge, jaune, orangée, impossible de la louper. À droite, à gauche, la lave brûlante coule dans les vagues, tout autour. Ah, c'est incroyable! La mer fume! Entre deux coffres du moteur, les Kraft accostent dans le port. Ma parole, mais c'est le chaos ici! De violentes explosions secouent la terre. C'est le bébé volcan qui, à quelques centaines de mètres, pousse à une vitesse ahurissante. À l'est de la ville, des fontaines de lave s'échappent d'une immense fissure et montent très haut dans le ciel, jusqu'à 200 mètres. Chaque seconde est comptée. Sur le port, l'évacuation a commencé. À l'aide de grues, on charge les bateaux. Des pianos, des frigidaires, des cages à piou-piou valdingue dans les airs. Alors que tous les habitants se dépêchent de fuir, dans un calme, il faut bien le dire, assez impressionnant, Maurice et Katia, d'un pas décidé, marchent en direction de l'Elfel. Le chemin est recouvert de cendres. Le soleil est en train de se coucher. On dirait que le monde, c'est affreux, est en train de disparaître. Les explosions continuent, de plus en plus violentes. Le bruit est assourdissant, impossible de se parler. Maurice et Katia tentent de communiquer en se faisant des signes. Oh, oh ben, mais qu'est-ce qu'il dit là? Il a envie d'une choucroute? Ah non, de jouer au bingo. Ouais, c'est pas gagné. Les deux volcanologues sont épuisés. Par chance, ils tombent sur un petit hôtel encore ouvert. Maurice et Katia s'endorment comme deux crêpes. Toute la nuit, les fenêtres de leur chambre vibrent et se brisent. Le volcan, heure après heure, continue de grandir. Oh, absolument ahurissant! Le lendemain, mauvaise surprise. La police bloque la route. Impossible d'aller plus loin. Évidemment, c'est beaucoup trop dangereux. Maurice et Katia sont furax. Hors de question de s'arrêter là. Ils tentent de négocier. Rien n'est fait. Alors quoi? Ce serait la fin de leur grande expédition? Au même moment, un bloc de lave brûlante, projeté par le volcan, enflamme le toit d'une maison 20 mètres devant eux. Les agents de police tournent la tête. Oh, vite! C'est l'occasion ou jamais. Maurice et Katia prennent la poudre d'escampette. Une heure plus tard, les voici seuls face à la bête, en train de naître. L'Elfel continue de cracher, de grandir, de trembler. Maurice et Katia s'approchent. Ils sont hypnotisés par la beauté de ce spectacle, tout à la fois sublime et terrible. Pas à pas, ils avancent, jusqu'à ressentir le fameux mur de chaleur. Lorsque la température grimpe brutalement, c'est là qu'il faut s'arrêter. Cette limite, tout le monde la ressent instinctivement. Oh, ce n'est pas l'esprit, c'est le corps qui choisit. Le volcan poursuit sa pédarade. Il pleut désormais de la cendre enflammée. Katia sent tout à coup une drôle d'odeur. Mais qu'est-ce que c'est? Mamma mia! Son bonnet, il a pris feu! Vite, elle le jette par terre! Oh, c'était moi une! Maurice et Katia se regardent. Ils rient comme deux baleines. Les Kraft restent 4 jours sur l'île. Durant leur expédition, le volcan grandit de 400 mètres. Nombreux sont les habitants qui ont perdu leur maison, dévorés par le feu ou bien effondrés sous les cendres. Mais tous ont eu la vie sauve. Le 29 janvier, Maurice et Katia sont de retour en France. La naissance de l'Elfel, qui signifie « montagne de feu » en islandais, restera à jamais gravée dans leur mémoire. Et maintenant, que faire? Bon sang de bonsoir, mais repartir en expédition, bien sûr! Mais, problème, ces grands voyages coûtent très cher. Pas de panique. Les Kraft, évidemment, ont trouvé la solution. Chaque fois que nous rendons visite à un volcan, je tourne des films et tu prends des photos. Depuis le temps, on a réuni un paquet d'images. Faisons des livres, donnons des conférences, et puis voilà, l'affaire est dans le sac. Eh oui, Maurice, l'affaire est dans le sac. Les Kraft osent s'approcher des volcans comme personne avant eux. Les images qu'ils ramènent sont absolument époustouflantes, alors évidemment, le public se presse pour les voir. Ma parole, mais oh, ça roule comme sur des roulettes! La valise des Kraft est toujours prête. De l'Islande au Congo, de la Réunion à Hawaï, de l'Italie au pôle sud, dès qu'un volcan se met à frissonner, ils sont là. Des éruptions? Maurice et Katia n'en loupent aucune! Enfin, presque. En novembre 1985, lorsque le volcan Nevado del Ruiz se réveille au nord-ouest de la Colombie, heureusement pour eux, ils ne sont pas sur place. L'éruption surprend tout le monde. Les habitants des villages environnants n'ont pas le temps de fuir. Cette fois, ce n'est pas la lave qui fait des ravages, mais de spectaculaires coulées de boue qui engloutissent tout sur leur passage. 25 000 personnes perdent la vie. C'est un véritable désastre. Le monde entier est sous le choc. Maurice et Katia sont tristes, démunis, en colère. Bon sang! Mais avec les moyens qu'on a aujourd'hui, ça devrait plus arriver, ce genre de catastrophe! Si le pays avait écouté les volcanologues, s'ils s'étaient équipés comme il faut, des milliers de vies auraient pu être sauvées! Désormais, le couple se consacre exclusivement à l'étude des volcans gris. Les plus dangereux, les plus explosifs, ceux qui font le plus de victimes. Il faut que nos connaissances servent à l'humanité! Sinon, à quoi ça sert, bon sang? Les dangers, Maurice et Katia les connaissent. Pourtant, ils prennent de plus en plus de risques. Ils repoussent sans cesse les limites. En Tanzanie, Maurice filme des coulées de lave carbonatite. Une lave étrange et extrêmement rare. À force de tourner, ses mains sont couvertes de cloques. Ma parole, mais qu'est-ce qui se passe? Il nous a grillé une cartouche ou quoi? Jusqu'où compte-t-il aller? Aïe! Le 2 juin 1991, Maurice laisse un message sur le répondeur d'un ami. Salut, c'est Maurice! Merci pour la fondue l'autre soir, elle était vraiment délicieuse! Enfin, bref, avec Katia, on est à l'aéroport Charles de Gaulle et on décolle dans une petite heure, voilà! Hein, direction le Japon! Vous pouvez baisser la musique, là? Eh, le volcan Hunzen est en train de nous préparer une petite surprise. Depuis plusieurs jours, un dôme de lave grandit au sommet et ça a l'air super intéressant. Bon, allez, hey, je t'embrasse, mon vieux. Katia me fait signe qu'il faut que je me presse. Eh, pourtant, je suis pas un citron. Allez, hey, allez, à très vite. Hein. Non, mais c'est pas possible, la musique, là, stop! Ce message, c'est le dernier qu'il a laissé. Pourquoi? Allez, arrête! Ne me demande pas de te faire un dessin. D'abord, je dessine comme une patate avec des moufles. Oui, c'est exact, comme une patate de ski. Et puis, tu as compris. Tu sais très bien pourquoi. Nous nous approchons de la fin. Attention, ça ne va pas tarder à sentir le poulet grillé. Bah quoi? Bah non, ce n'est pas du tout une remarque douteuse. Tu entends? C'est ma pintade, elle est bientôt prête! Oh purée, j'en ai marre! On m'accuse toujours de faire des mauvaises blagues! Bon allez, hein, enchaînons! Maurice et Katia viennent d'atterrir sur l'île de Kyushu, tout au sud du Japon. Ils roulent à toute vitesse en direction du volcan. Ils se garent. Caméra et appareil photo bien réglés, ils avancent. Depuis plusieurs jours, tous les villages alentours ont été évacués, le périmètre est bouclé. Maurice et Katia s'approchent du volcan. Ils s'approchent de plus en plus près. Ils s'approchent de beaucoup trop près. Soudain, un immense nuage, chargé de gaz brûlant, de cendres et de blocs de roche, aussi grosses que des maisons, s'échappe, sans faire de bruit, du dôme du volcan Hunzen. Maurice et Katia courent, mais ils ne sont pas assez rapides. Le nuage les engloutit. Ils disparaissent. À tout jamais. Ce jour-là, 16 journalistes sont présents, tous périssent également. Et avec eux, les chauffeurs de taxi qui les accompagnent. Au cours de leur vie, Maurice et Katia Kraft ont vu plus de 175 éruptions. C'est plus que n'importe qui. Ils aimaient les volcans d'un amour fou, passionnel, dévorant, qui a fini par leur coûter la vie. Volcanologue, oh, tout de même, quel drôle de métier! Il y en a très peu dans le monde. Comme l'a dit un jour Maurice dans une conférence, on devrait nous protéger comme des pandas! Oui, sans doute. Une chose est sûre, les volcans sont loin d'avoir livré tous leurs secrets. Peut-être qu'un jour, toi aussi, tu réussiras à en percer quelques-uns. Mais, promets-moi une chose. Promets-moi, s'il te plaît, qu'entre les volcans et toi, ce ne sera pas à la vie, à la mort, mais... Oui, à la vie, à la vie! Les Odyssées est un podcast original de France Inter. L'immense nuage de gaz brûlant, chargé de pierres qui a causé la mort de Maurice et Katia, porte un nom. Cela s'appelle une nuée ardente. En 1986, Maurice avait réussi à en filmer une à moins de 100 mètres de distance.